Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Gémozo pour cette nouvelle édition de l'Heure des Loups, la quotidienne de 18h à 19h sur le 107. Pour cette édition, comme je l'avais annoncé hier soir dans mon émission un petit peu plus tôt dans la journée sur ma page Facebook, sur la page de la radio, la page Facebook Radio Gémozo, on va parler de randonnée et pas n'importe comment vu qu'on va parler du club vosgien de ce soir. Enfin, on va parler ce soir du club vosgien, ça y est, je commence bien, je suis fatiguée. Avec Jean-Marie Géin, Pascal Martinez, Nelly et Robert Jacot. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir. Bonsoir. Alors, pour vous présenter très brièvement, même si après, comme d'habitude dans l'Heure des Loups, j'aime bien qu'on privilégie l'humain au début de l'émission. Pour situer rapidement, donc toi Jean-Marie, tu es le président départemental du club vosgien et tu es aussi président du club vosgien d'Épinal, si j'ai bien compris. Oui. Pascal, tu es chargé de communication et tu es coach de marche nordique au sein du club vosgien d'Épinal. C'est ça. Et enfin, Robert, tu es président du club de Remiremont et aussi tu es délégué régional du club vosgien. Voilà, c'est bien ça. J'ai fait une bonne introduction pour tout le monde, mais j'aimerais bien en savoir un petit peu plus sur vous vis-à-vis du club vosgien. Depuis quand vous en faites partie et comment vous l'avez intégré, en fait, c'est surtout ça que j'aimerais savoir. Alors, oui, on peut commencer par... Allez, par Jean-Marie. Allez, je me lance. Donc moi, je suis tombé dedans en 1991, dans le club vosgien, tout jeune, tout frais et moulu. J'ai été nommé président, élu président en 2001. Donc je suis président d'Épinal depuis 17 ans maintenant. Et, oui. Et je suis président départemental depuis 2014. Voilà, je suis aussi coach marche nordique, comme Pascal. Voilà, donc j'organise, j'encadre des sorties marche nordique, j'encadre des randonnées. En plus de ça, j'ai toute la gestion du club vosgien d'Épinal et la gestion du département, enfin des 21 associations du département. Qu'est-ce qui t'a fait entrer au club vosgien ? Ben, l'envie. J'avais envie, j'aimais bien me promener, j'aimais bien randonner, j'aimais bien les Vosges. Puis marcher tout seul, ça va 5 minutes. Alors j'ai eu envie de marcher en groupe pour la convivialité. Puis voilà, c'est venu comme ça, tout doucement. Et toi Pascal, il en est quoi de ton parcours vis-à-vis du club vosgien ? Moi c'est tout récent, ça fait 2 ans. J'y suis rentrée par hasard au Forum des associations d'Épinal. Je voulais une activité de plein air, puisque j'ai beaucoup fait de sport dans ma carrière. Et puis je voulais prolonger. Alors soit en faisant du footing, un club d'athlétisme. Et puis finalement, je suis tombée dans le stand du club vosgien qui m'a happée. Et j'ai essayé la marche nordique. Et c'est comme ça, c'est par la marche nordique que je suis rentrée au club vosgien. Tu as parlé de carrière parce que tu as fait du sport au niveau professionnel ? Oui, oui, oui. Oui, oui, je travaillais en gendarmerie. Ah oui, en effet, c'est voilà. Plutôt sportif. Voilà, et donc, mon dernier poste, je dirigeais un peloton de surveillance et d'intervention, la gendarmerie, donc on faisait du sport tous les jours. Et quand j'ai décidé d'arrêter, parce que c'était un métier trop chronophage, je me suis dit, il va falloir que je continue dans le sport, et voilà. Et voilà. Je me suis retrouvée au club vosgien. Ah, et toi Robert, dis-moi, quel est ton parcours vis-à-vis du club vosgien ? Alors moi, mon parcours, il est beaucoup plus ancien. Je ne dis pas que je suis le plus vieux. Si, mais en plus, si, je suis le plus vieux. Mais mon parcours est beaucoup plus ancien parce que je suis entré au club vosgien il y a plus d'une cinquantaine d'années. J'avais aussi milité dans d'autres associations sportives, en particulier l'athlétisme. Et à un moment donné, j'ai eu envie de partager un petit peu plus avec des gens, des activités de loisirs, mais aussi un petit peu sportives. Donc je suis entré au club vosgien, j'ai très vite pris des responsabilités au sein de la section de Remiremont, en étant trésorier, j'ai été 25 ans trésorier, et puis je suis président depuis 2002 de la section de Remiremont, et après mon départ en retraite en 2007, donc en 2008, j'ai pris la responsabilité du district 6, donc de la région sud du Massif, qui représente 26 associations sur le sud du Massif, sur 4 départements. D'ailleurs, Jean-Marie ne l'a pas dit, mais il a été, avant d'être responsable départemental, responsable régional aussi, puisqu'il était délégué du district 4. Donc, avant d'être délégué du département, responsable du département. Voilà mon parcours. D'ailleurs, toutes ces responsabilités, donc responsable départemental, responsable régional, vous êtes vraiment... qu'est-ce que ça représente, en fait, hein, par rapport à tous ces clubs, Jean-Marie ? Voilà, oui, comme dit Robert, j'ai été délégué du district 4 en 2002. J'ai sauté sur l'occasion, parce que la place était libre de délégué de district, pour pouvoir entrer à la fédération du club vosgien, au conseil d'administration à Strasbourg. Quand on est délégué au président départemental, on est élu de droit. Alors moi, ça m'intéressait de siéger à Strasbourg, à la Fédération, être plus près du bon Dieu, comme on dit. Voilà. Entre autres, il n'y a pas que ça. Hein. Oui, alors, oui. Alors donc, un petit peu différencier les deux rôles. Le délégué de district, il a plutôt un rôle d'animation dans son district, animé. Comme un délégué commercial, alors que le responsable départemental a plus un rôle de relation avec les administrations, les collectivités. Le conseil général, conseil départemental. Le département, la région, Donc voilà, l'un est plus administratif, l'autre est plus animation. D'ailleurs, tu as titillé ma curiosité dans la mesure où tu as parlé du siège du club à Strasbourg. Donc, le club vosgien s'étend jusqu'où, en fait ? Ah, le club vosgien, il rayonne sur tout le quart est de la France. Les deux départements alsaciens, les Vosges, la Moselle, la Meurthe-et-Moselle. On a une ou deux associations aussi, le territoire de Belfort. Anecdotiquement, on en a une dans le sud de la France, à Pau. Dans le Gard. En Haute-Saône aussi. Et une en Haute-Saône, on a une aussi à Paris, une association. Mais bon, c'est pour la petite histoire. Mais autrement, on rayonne que sur les départements du Quart Est. Voilà. C'est le siège de la fédération et à Strasbourg. C'est pas négligeable quand même, toutes ces informations, voir à quel point c'est un grand club. Mais c'est aussi historique. Pourquoi à Strasbourg ? Parce que le club vosgien, il a été créé il y a presque 150 ans, à une époque où la région Alsace-Moselle était allemande. Et c'est des notables allemands qui ont créé, à l'époque, le club vosgien à Saverne. Et c'est pour ça que l'on retrouve toute cette activité centralisée sur le Grand Est, parce que l'origine, c'est là, c'est l'Alsace. Et si le siège aujourd'hui est à Strasbourg, c'est pas anodin, c'est pas gratuit, c'est parce que toute l'histoire du club vosgien vient de cette histoire de la création du club vosgien en Allemagne à l'époque. Sur les 32 000 adhérents de la fédération, il y en a 10 000 dans le 67, il y en a 9 000 dans le 68, il y en a 3 700 dans les Vosges, et les autres sont répartis en Meurthe-et-Moselle, doivent être 2 000-3 000, en Moselle 2 000, voilà. Donc c'est vraiment les départements alsaciens qui font où il y a le plus d'adhérents. Mais dans les Vosges, il y en a quand même 3 700 adhérents, c'est pas négligeable. Et ça est en sentier, parce qu'on va parler des sentiers, et en sentier, ça représente environ 30 000 km de sentiers sur le quart est balisé par le club vosgien. C'est quand même donc énorme. 4 000 dans les Vosges. Oui, quand même. Voilà. Ça cause, je pense que c'est le mot adéquat. D'ailleurs, comme tu as parlé un petit peu de chiffres, j'ai envie qu'on voit un petit peu, alors je ne sais pas si on peut parler du club vosgien dans la totalité, mais un petit peu le club vosgien d'Épinal en chiffres, histoire qu'on se fasse une petite idée pour un secteur donné. Oui, Épinal c'est 450 adhérents, Donc on rayonne sur Épinal et ça approche banlieue, on va dire. On rayonne quoi, 15-20 km à la ronde. Hein, c'est pas que des adhérents spinaliens. On a 380 km de sentiers qu'on entretient hein, tout au long de l'année. Les activités, on a à peu près 620 activités dans l'année. Hein, donc pratiquement deux activités par jour. Quand par activité, j'entends marche nordique, randonnée, promenade, séjour, cyclotourisme, raquettes, ski de fond, voilà. Donc on est assez diversifié. Hein. Voilà. Et puis dernièrement, j'ai créé un chœur d'hommes. Je ne les ai pas amenés pour chanter ce soir, c'est dommage, parce qu'on avait notre répétition hier soir. je l'aurais bien dit de venir, mais bon. Voilà, donc c'est tout nouveau. Depuis Simone, un chœur d'hommes, et la première, c'est samedi. Ah bonne nouvelle. Ouais. Bonne nouvelle qui figure. Bah, ça plaît pas qu'aux femmes aussi, hein, d'avoir un chœur d'hommes. Bon, j'ai été traité de misogyne, mais bon. Donc tu as dit que la première représentation du chœur du club vosgien sera ce samedi. Samedi, ouais. Ah, bah on va en reparler hors antenne pour pouvoir l'annoncer dans le billet de sortie. Mais c'est pas... Ça s'adresse aux adhérents. Hein. On fait pas... Non, ça viendra. On se produit pas encore. Le Zénith, c'est pas pour maintenant. On va s'en occuper. On n'est pas prêt. Vous avez aussi parlé de différentes activités parce que les activités, c'est important. Hein, le club vosgien, à la base, c'est un club sportif. Donc, je vois qu'il y a différentes activités proposées par le club vosgien d'Épinal, mais est-ce que généralement le club vosgien tout court propose plus que juste de la randonnée ? Bah, oui, comme je disais, il y a la randonnée sous toutes ses formes, hein, avec différentes difficultés de kilométrage, de dénivelé. Voilà. Il y a la randonnée, à côté de ça, il y a la marche nordique. À Épinal, on a des promenades, ça s'adresse à un public qui n'a pas envie de faire beaucoup de kilomètres dans la journée, donc on a des promenades, on a des séjours aussi, on organise des séjours en France et en Europe, plusieurs séjours dans l'année, on fait du cyclotourisme, Robert de toute façon à Armiremont ils travaillent comme nous, hein. Ils ont pratiquement les mêmes activités Robert. Oui, avec quelques petites différences, on retrouve dans certaines associations des différences au niveau de ces activités, donc je vois par exemple sur notre secteur, sur notre district en particulier, on fait beaucoup de marches d'orientation, que ne font pas les autres districts, donc c'est une particularité du district 6. Mais il y a aussi des sections dans notre district où ils font de l'escalade. C'est Masvaux, par exemple, qui a une centaine de jeunes qui font de l'escalade régulièrement. Rue sur Moselle, ils font du VTT. Voilà, on a des activités très diverses, mais elles sont toutes adossées à la nature. Donc, c'est à chaque fois le même... Oui, parce qu'au départ, le club vosgien, c'est vraiment axé sur la randonnée et l'entretien des sentiers. Et l'entretien des sentiers, c'est vraiment le mythe de Sisyphe. Oui. C'est Sisyphe qui gravit la montagne avec une grosse boule qui doit emmener jusqu'au sommet. Et une fois qu'elle est au sommet, elle retombe de l'autre côté. Et hop, il doit à nouveau remonter sa pierre tout en haut du sommet. Et c'est ça, l'entretien des sentiers. La nature reprend ses droits automatiquement. Donc tous les 4 ans, il faut à nouveau élaguer, débroussailler, rouvrir un cône de vision qui a été envahi par la nature. Donc ça représente le gros travail du club. Voilà. Oui. C'est notre cœur de métier. C'est le fondamental. Cœur de métier, c'est ça. Voilà. En effet, ça a l'air d'être beaucoup de travail. Je pense qu'on va en reparler dans quelques instants, l'importance de l'entretien du balisage. Mais avant toute chose, j'ai envie de proposer une première pause musicale, une découverte d'ailleurs que Pascal m'a proposée. Il s'agit du morceau Canopée de Paul Eupen. Très personnellement, je l'ai beaucoup aimé. J'espère que vous l'aimez à votre tour. Donc je vous laisse découvrir et on se retrouve juste après. Et vous êtes de retour sur Radio Guémozo 107FM, vous avez à l'instant écouté le morceau Canopée de Polo et Pan, donc si jamais il vous plaît, vous pourrez le redécouvrir par là. Vous êtes toujours avec Jean-Marie Géin, Pascal Martinelli et Robert Jacot pour le Club Vosgien, alors général parce que j'ai deux protagonistes du Club Vosgien d'Épinal et un du Club Vosgien de Remiremont. Et avant la pause musicale, on avait parlé de l'importance de l'entretien et du balisage. Et Pascal s'était bien lancé sur le sujet. Oui, je parlais du mythe de Sisyphe. Oui. Parce que c'est vraiment une activité propre au Club Vosgien. On a notre balisage qui est... On établit des cartes hygiènes. On a notre propre balisage. Si tu veux en dire un peu plus, Jean-Marie. Oui, voilà. Donc, le balisage du Club Vosgien, c'est pas fait à la légère. On a une charte de balisage. Hein. C'est voilà. Tous les signes que les promeneurs rencontrent, c'est pas mis par hasard. Il y a des disques, il y a des anneaux, il y a des triangles, il y a des croix, il y a des chevalets. Et tout ça, c'est pas mis comme ça. À la légère. Bien sûr. Il y a une charte et tout. Par exemple, quelqu'un qui s'engage sur un disque rouge, bleu ou vert. Par exemple, si on s'engage sur un disque, on sait qu'on va s'engager pour la journée. C'est une rando qui va faire plus de 15 km en boucle. Et sur un anneau, c'est une rando qui va faire maximum 10 km. C'est pour une demi-journée. Voilà, en gros. Et tous les autres signes, c'est des variantes ou pour aller à des points particuliers du secteur. Voilà. Et dans le département, on a 21 associations qui balise donc 4000 km de sentiers. Hein. Faut bien le savoir. Hein. On balise, par exemple, la Bresse balise tout le Haut-Neck. Voilà, on a Neuchâteau aussi comme association qui balise. On n'a pas que des associations sur la partie montagneuse, hein, la partie que sur la sommité. Hein. Il y en a, on a Montureux-sur-Saône, on a Châtenois, on a Dompaire, on a Épinal, puis on a Ventron, Saulsure, on a tous les clubs qui sont sur la montagne. Voilà, Gérardmer, on a Saint-Dié, on a Celles-sur-Plaine, voilà, il y en a 21, je ne vais pas tous les citer. Donc, ça représente à peu près 200 bénévoles pour entretenir, oui, je ne me trompe pas en disant plus de 200 bénévoles, oui, pour entretenir ces 3700 km de sentiers. Ouais. Ça représente, je ne peux peut-être pas demander le temps que ça représente, ça dépend peut-être du terrain. J'ai les chiffres, mais à la maison, là, parce que tout est quantifié. Hein, il y a des rapports d'activité qui sont faits pour. Il faut quantifier tout ça. Ça représente beaucoup de temps, ça représente beaucoup d'argent, surtout. Hein. Oui. Bon, c'est tous des bénévoles qui le font, mais à côté de ça, il y a tout le matériel, il y a tout l'outillage hein, nécessaire au débroussaillage, au tronçonnage, et les déplacements en voiture. Et c'est que des bénévoles. Bon, certaines associations sont aidées par les communes ou par les communautés d'agglomération. Voilà. On est bien au niveau du département, le conseil départemental, on est bien reconnu comme partenaire du tourisme dans les Vosges. Et c'est bien structuré. On a un responsable de chantier qui réunit ses équipes. Et donc lui, il a un planning. Et tous les 4 ans, il sait qu'il doit revoir tel sentier pour l'entretenir et s'occuper d'ouvrir les cônes de vision ou de refaire des petits ponts en bois. Et toujours fait avec le respect de la nature. On fait des ponts en rondins de bois. On essaie de respecter au maximum l'environnement. Donc, si j'ai bien compris, Robert, vu que c'est vrai que c'est bien de laisser parler un petit peu tout le monde, le Club Vosgien, c'est aussi et surtout une association qui respecte l'environnement. Tout à fait. Après, l'entretien, le balisage des sentiers pour lesquels on a été au départ initié, et comme le disait Jean-Marie, c'est quelque chose de très, très structuré. D'ailleurs, on reconnaît la patte allemande de l'époque, hein, d'ailleurs. Pour vous donner une idée, tout à l'heure on parlait de temps à passer à l'entretien des sentiers. Je vais vous donner une expérience personnelle. On a dernièrement repris tout un secteur d'une ancienne communauté de communes dont le balisage était différent. On a repris 180 km de sentiers et on a débalisé et rebalisé tout sur demande de la nouvelle communauté de communes. 180 km de sentiers, 25 boucles. Ça a représenté pour nous, sur 4 mois, plus de 1000 heures de travail. Ah ouais, quand même. Alors, dans l'organisation, c'est vrai qu'elle peut être un peu différente. Nous, on a travaillé pour cette opération avec un système de parrainage. On a 25 boucles, on a trouvé localement 25 parrains, marraines, qui vont chacun avoir la responsabilité, entre guillemets, de sa boucle. Même si c'est une petite boucle de 3, 4 ou 5 km, il aura la responsabilité de cette boucle. Et on a réussi à trouver 25 parrains marraines, il y a d'ailleurs 9 marraines d'ailleurs dans le groupe, qui vont tous les ans faire 2 à 3 fois le parcours pour s'assurer que tout va bien. Et ça, c'est aussi une démarche intéressante parce que ça implique des personnes localement et ça permet d'avoir une situation très précise à un moment déterminé, surtout au printemps, quand il y a des pousses de plantes invasives ou de ronces, par exemple. On a très vite une situation précise et cela nous permet d'intervenir en équipe, si besoin est, dans le cas où il y a des arbres déracinés qui sont en travers des sentiers. Alors on parle beaucoup de travail, mais ça se passe vraiment en toute convivialité, parce qu'on rigole bien sur les sentiers. Ah, je veux bien l'entendre. D'ailleurs, il y a une autre chose à laquelle je pense, Robert. Tu m'as dit que les parrains marraines des sentiers font les sentiers 2 à 3 fois par an environ, mais il y a énormément de marcheurs qui passent par là, et ça peut arriver qu'il y ait encore des randonneurs qui ne respectent pas la nature et qui laissent leurs déchets. Est-ce que le club vosgien a des spots de prévention ou essaie de faire quelque chose contre ces déchets sauvages? Alors, à ce niveau-là, c'est vrai que moi je dis toujours que l'entretien des sentiers est indissociable de la protection de son environnement. Je crois qu'un sentier fait partie d'une nature, et si on entretient un sentier, on entretient la nature qui est dans l'environ. Et le Club Vosgien, la fédération du Club Vosgien, a toujours mis un accent important sur cette protection de la nature. On a des flyers qui sont mis en place et qui incitent à observer ou à préserver la nature, découvrir discrètement, observer, respecter, etc. On a énormément de communication actuellement qui est faite d'ailleurs par notre responsable de la protection de la nature, de l'environnement. On a au sein de la Fédération du Club Vosgien différentes commissions, et on a en particulier une commission très importante présidée par une dame Corinne Ménétré, ouais. Et qui est en charge de tout ce qui est protection d'environnement. Voilà. Protection de la nature, du paysage et du patrimoine également, parce qu'on a aussi pour action de faire en sorte que nos sentiers soient à la fois dans une belle nature, mais qu'il y ait des attractions, des attractivités sur ces sentiers qui permettent de ne pas marcher bêtement, mais au contraire d'observer le patrimoine. Petit patrimoine, les fontaines, les croix, les ruines, même les ruines de fermes dans nos secteurs vosgiens. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour valoriser tous nos sentiers. Mise en valeur des points remarquables. Voilà. Et on essaye de lutter contre l'obturation des paysages. Hein. Les paysages se ferment de plus en plus du fait de la perte de l'agriculture de montagne. Donc la forêt gagne de plus en plus. Et voilà, donc on essaye, à notre niveau, on a du mal, c'est pas évident, que les paysages restent ouverts. Ah, voilà. Par contre, l'entretien des sentiers se fait toujours avec l'accord de l'ONF. L'ONF est là et diffuse ses conseils sur les essences d'arbres à ne pas couper, sur d'autres qu'il faut mettre en valeur. Par exemple, un NIF, c'est assez rare maintenant dans nos forêts vosgiennes. Donc, on fait tout pour le dégager, lui donner de la lumière. Par contre, les mélèzes, les jeunes mélèzes poussent d'environ 1 mètre chaque année. Donc là, on n'hésite pas à les essaimer si jamais ils bloquent un cône de vision. Et d'ailleurs, j'y pensais, enfin, tout cet entretien, on a parlé d'attrait touristique, un petit peu plus tôt. J'ai aussi entendu parler de patrimoine. Il me semble que le Club Vosgien a reçu une distinction européenne, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, c'est dernièrement. Donc, c'est quand même un travail très important que l'on a commencé à préparer depuis 6 mois. Et on a eu l'agréable, formidable surprise fin septembre d'avoir ce label pour l'année 2018, donc année européenne du patrimoine culturel. Ça veut dire que l'Europe vient de reconnaître globalement l'ensemble du travail fait par nos bénévoles sur nos sentiers dans le Grand Est. Et ça, c'est quelque chose qui est exceptionnel. Donc, depuis quelque temps, donc, on a la possibilité, même on a le devoir, de mettre sur nos cartes de visite, sur nos lettres que l'on envoie, les deux logos, le logo européen, label 2018, année européenne du patrimoine culturel, et le logo du ministère de la Culture. Donc, ces deux logos qui viennent de nous conforter dans ce travail. travail formidable que font tous nos bénévoles, des milliers de bénévoles à longueur d'année pour faire en sorte que le tourisme pédestre soit exceptionnel dans notre région. On peut le dire, il est exceptionnel. Et d'ailleurs, on a depuis quelques années eu la possibilité d'aller défendre notre savoir-faire dans des pays étrangers. La Fédération du Club Vosgien a envoyé il y a quelques années au Brésil une équipe pour initier au type de balisage du Club Vosgien. Il y a eu une autre équipe. Les Pays Baltes voilà, aussi. Dans les Pays Baltes et au Maroc. On a eu donc plusieurs équipes qui sont parties pour initier à notre méthode, nos méthodes de balisage dans des pays étrangers. Et ça, c'est quand même un gros challenge et une grosse récompense oui. que l'on peut avoir du travail qui est effectué à longueur de journée. Bah, et en plus de ça, la Fédération du Club Vosgien fait partie de la Fédération européenne de randonnée. Ah oui, ah donc, oui aussi, oui. Il faut en parler après tout. Et c'est d'ailleurs on n'est pas des Gaulois, là. dans l'Est, non, on fait partie de l'Europe. Et comme je le disais, il faut en parler, hein, il ne faut pas oublier de parler de cette reconnaissance acquise, hein, c'est le fruit d'un travail acharné. Et s'il y a quelqu'un d'autre qui le fait, c'est Jean-Louis Aubert pour son titre « Parle-moi » qu'on écoute tout de suite et on se retrouve juste après. Jamais ne nous appartient vraiment. Et vous êtes de retour sur Radio Gémozo 107 FM, c'était Parle-moi de Jean-Louis Aubert. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire un petit peu plus tôt dans l'émission, si vous voulez interagir avec nous, n'hésitez pas, passez par notre page Facebook Radio Gémozo ou par téléphone au 03 29 62 40 40, la ligne est ouverte. On est toujours avec Jean-Marie Géin, président départemental du club Vosgien et du club d'Épinal. Pascal Martinelli, chargé de communication et coach de marche nordique au club d'Épinal. Et aussi Robert Jacot, président du club de Rieux-Miremont et aussi délégué régional du club Vosgien. On a parlé de plein de choses et s'il y a aussi des choses qu'il est important de savoir, hein, on a parlé d'entretien, d'environnement, même si je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à dire à ce sujet, mais une heure ne suffit jamais dans l'heure des loups. S'il y a quelque chose qui est important de savoir, je disais, c'est peut-être les événements, les projets. Et j'ai vu avec vous, vous avez en effet beaucoup de choses à annoncer, beaucoup d'événements, de rencontres. Alors Robert, la parole est à toi. Alors c'est vrai que... On a des sections club vosgien qui sont très dynamiques et qui sont aussi très souvent sollicitées par les collectivités. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même très, très important de savoir que nos collectivités, quand elles ont des projets, elles font appel au club vosgien. Je crois que c'est important. On a dernièrement, sur le secteur de Rieux-Miremont, repris la marche des illuminations, qui est une marche qui a lieu depuis 7 ans. Qui était organisé par l'OMSLC de Rieux-Miremont, l'Office municipal des sports, loisirs et culture. Cet office municipal des sports a disparu dernièrement, puisque tout a été refondu dans les services de la municipalité. Et donc c'est le club vosgien qui, naturellement, a repris cette marche des illuminations. Donc une marche qui aura lieu le 15 décembre, marche de nuit, et qui l'année dernière a rassemblé 800 personnes. Marche de 4 km qui se termine par une bonne soupe à l'arrivée. Donc c'est quelque chose qui est très convivial, très sympa. Et donc on accueille le plus grand nombre pour cette marche qui devient un succès important dans notre fin d'année. Et on espère encore cette année avoir beaucoup de monde et du beau temps surtout. On espère. Alors, pour vous. Autre opération intéressante, on travaille depuis quelque temps sur un projet sur Saint-Amé, qui est un projet de sentier adapté. Ça fait des années que ce projet est dans les tiroirs et se finalise enfin. Donc on travaille énormément sur ce nouveau sentier adapté qui va s'intégrer dans l'ensemble de nos sentiers du secteur de Saint-Amé. Sentier adapté, deux boucles de 1 km environ chacune, donc qui va être accessible à l'ensemble des personnes, qu'elles soient non-voyantes, qu'elles soient en fauteuil, qu'elles soient personnes âgées, que ce soit des jeunes, des familles. Donc c'est des sentiers qui vont s'intégrer dans un schéma de sentiers adaptés, mais pour tous, ça c'est important. Donc on travaille là-dessus. Et on va dans le même esprit et sur le même secteur créer pour Saint-Amé un sentier botanique. On est en train de travailler là-dessus. Donc ça, c'était pas prévu du tout, mais ça va se mettre en place. Puis on va y travailler cet hiver avec l'intervention du lycée technique qui va gérer toute la partie petit panneau indiquant le type d'arbre, etc. Donc ça, un projet qui est en cours et qui devrait se solutionner au printemps. Deux autres projets importants concernent le site du fort du Parmont. Oui. Puisque la municipalité nous a demandé aussi, dans le cadre d'une grosse opération de mise en valeur de ce site du fort, de travailler sur une petite boucle qui va mettre en valeur tous les anciens sites militaires du fort qui sont méconnus. On connaît le fort, mais on ne connaît pas tous les bâtiments annexes extérieurs au fort qui sont perdus dans la nature aujourd'hui, mais qui ont tous une histoire. Donc on va mettre en valeur ce site avec une boucle de 4 km et avec des panneaux indicatifs de l'histoire de ce fort. Non seulement de l'histoire de ce fort, mais d'une histoire antérieure, puisqu'il y a également une histoire qui date du de fin 12e, début 13e, avec le duc de Lorraine. Et il reste encore des vestiges qui sont méconnus, qui sont perdus dans la nature. Donc on va remettre tout ça en valeur, grâce à la municipalité qui a racheté dernièrement le fort. Ah, ce qui renforce en plus votre label patrimoine. Et deuxième grosse opération, celle-là, elle est engagée depuis longtemps, mais elle continuera certainement très longtemps, c'est le site du Saint-Mont, puisque ce site du Saint-Mont, qui est maintenant devenu un site municipal, on a plein de projets sur ce site du Saint-Mont, des projets de valorisation du site, de mise en valeur de tout ce qui est recherche archéologique, mais également attrait touristique avec les points de vue. On va installer deux tables d'orientation, on va aménager un abri pour les randonneurs, etc. Donc on a des projets très importants dans ce domaine-là. Donc vous voyez qu'on n'arrête pas beaucoup. Non, en effet. Voilà, je veux dire, toutes les associations du département ont aussi des manifestations tournées vers le grand public, pas que des manifestations pour leurs adhérents, hein. Alors, c'est ponctuel, c'est des marches populaires, c'est des fêtes, différentes fêtes, des rencontres. Par exemple, à Épinal, Pascal va vous parler de notre prochaine manifestation. Voilà, on en a une aussi, Robert, ça tombe le même jour que toi. C'est vrai. Ouais, samedi 15 décembre. Alors, on organise notre 13e marche populaire internationale de nuit. Alors, elle est sous l'égide de la FFSP et en partenariat avec la ville d'Épinal. Donc là aussi, on propose deux parcours de 5 et 10 km dans les rues illuminées de la ville, de son marché de Noël et des forêts environnantes. Avec des petites surprises, il y aura un interlude musical au milieu de la forêt. Il y aura une pause vin chaud et de la restauration rapide sur place, des pâtisseries confectionnées par des bénévoles. Et donc ça, c'est samedi 15 décembre. Alors on demande aux gens de venir avec une lampe torche ou une lampe frontale, de s'habiller en clair et puis de découvrir Épinal autrement avec toutes ces illuminations. Et on aura une artiste bien connue des Vosgiens qui fait pas mal d'animations un peu partout, Christelle Haro, qui viendra animer au point départ et arrivée avec son accordéon qui nous fera une animation musicale. Voilà. Donc le départ va se faire à partir de... Tu te rappelles, Jean-Marie? Départ depuis l'espace court à Épinal. Et il y aura une petite participation de 2 euros demandée aux participants. Ouais, ça comprend la licence pour la marche et l'assurance. Hein. Ça, les gens sont assurés. Pas de problème. Ça, bien sûr, c'est tout public, accessible à tout public. Voilà. PMR aussi? Pardon ? Personne à mobilité réduite aussi ? Non, là, c'est pas trop réduite quand même, parce qu'il y a une quinzaine de marches d'escalier, mais enfin, bon, après, voilà. Le parcours, il y a le petit parcours qui fait 5 km, bon là je pense que... Sur les 5 km, c'est accessible, mais les 10, non, parce qu'il y a de la forêt, c'est pas... Même avec des poussettes d'enfants, ça va être un peu chaud, quoi. Hein. Ou alors avec des grosses roues, alors, oui, on est vraiment des bonnes grosses roues, voilà. Mais sur le 5 km, il n'y a pas de souci. Voilà, donc on attend d'habitude entre 600 et 1000 personnes. On vous attend. Voilà. Et on a d'autres manifestations tournées vers le grand public, toujours. On a la fête de la rando le 8 mai, et le thème, c'est la marche d'orientation, comme l'année dernière. Donc on invite les gens à venir faire de la marche d'orientation. Ça se passera à Épinal, donc ils auront l'information sur notre site. La publicité se fera en temps voulu. En juin, j'ai demandé à ce qu'on fasse une manifestation toujours tournée vers le grand public. On ira de Remiremont à Épinal, à pied. Robert est content de l'apprendre. Je voulais lui en parler, mais j'en aurais parlé à un moment donné. Est-ce que vous avez pris vos passeports? Donc on préacheminerait les gens d'Épinal en bus et puis ils rentreraient par leurs propres moyens. Enfin, il y aurait deux parcours. Il y aurait un de 40, un de 15-20. Voilà. Et vous avez fixé la date déjà? Donc on vient chez toi. Non, ça sera en juin. Donc en juin. On va essayer on informera le club Vosgien de Remiremont. Et en plus de ça, on a aussi notre marche populaire d'été, comme tous les ans, depuis 25 ans. Quoi. Voilà. Et certainement d'autres choses qui vont arriver dans l'année, comme dit Robert, suivant les demandes des municipalités ou différents organismes. Je voulais revenir sur la marche populaire. C'est vrai que c'est pas une concurrence. Bon, c'est vrai que ça tombe malheureusement le même jour, mais c'est un peu de notre faute parce que nous, on avait prévu au départ notre marche des illuminations 8 jours avant. Mais en raison du défilé de Saint-Nicolas qui a lieu le 8, on a été obligé de décaler. La mairie nous a demandé de décaler au 15. Voilà, et c'est un petit peu... Que d'activités dans les Vosges. Oui, les gens ont le choix. De toute façon, les marches populaires, il y en a tous les 21 clubs du département en organisent aussi. Puis ils organisent aussi d'autres activités. On peut retrouver, il suffit de taper que, bon, Club Vosgien Tio, Club Vosgien Rue, tout ça. Et chaque club dans le département a un site internet où ils diffusent l'information, hein. Ils sont tous équipés maintenant. Donc on en parlera dans quelques instants, mais c'est vrai que bon, le hasard des choses a fait que vous tombiez à la même journée, et d'ailleurs la même, c'est la dernière pause musicale qu'on va s'écouter, un titre de Maître Gims et Vianney. Donc on s'écoute la même et on se retrouve juste après. Mes amis entendaient la vie que j'ai eue, où les gens m'attendaient, je ne suis pas venu. Si je les emmêle, si je dérange, c'est que je suis un pêle-mêle, un mélange. Je suis trop compliqué, je choisirai jamais que les deux côtés. Ne me demandez pas où je veux aller. Même les singes, singes, les sages, et tous ces sages ont fait des cages où tous nous ranger. Hey, on prend des boîtes, on y range les gens qu'au fond jamais jamais l'on ne comprend. Comme l'homme est fait de mille bois, ces boîtes que l'on prend ne sont jamais assez grandes. J'ai suivi mille chemins et serré 10 000 mains. On peut aimer Brel et Meugui, aimer même nos ennemis. Je suis trop compliqué, je ne rentrerai jamais dans vos petites cases. Je vis au jour le jour, alors je zigzague. Toujours avec ses lunettes noires, j'entends les gens se demander quand est-ce que tombe le masque. Hey, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Si je vous gêne, bah c'est la même. Si je vous gêne, bah c'est la même. Bah c'est la même, si je vous gêne, bah c'est la même. Vous avez écouté la même de Maître Gims, troisième et dernière pause musicale de cette heure des loups. Et on est toujours avec Jean-Marie Géin, Pascal Martinelli et Robert Jacot pour le club vosgien, alors Épinal, Remiremont et le club vosgien en général. Et s'il y a deux, trois choses encore sur lesquelles il fallait qu'on revienne ou qu'il était important de mettre en avant c'est eh bien, les tranches d'âge déjà au sein du club. Alors, on a vu, hein, c'est un club qui propose plein d'activités, donc j'imagine qu'il n'y a pas d'âge spécifique pour faire partie de ce club. Non, il n'y a pas d'âge, hein. Mais on retrouve, c'est sûr, on va retrouver principalement du retraité, voire du jeune retraité. Qu'on prenne n'importe quel club de randonnée en France, même en Allemagne, en Suisse, en Italie, en Europe, c'est toujours du jeune retraité, qu'on va dire. Hein. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui a le temps de marcher, qui a le temps de prendre une journée pour aller marcher. Mais on a rajeuni le club, tu ne vas pas dire le contraire Jean-Marie, grâce à la marche nordique. Oui, c'est vrai. Parce que la marche nordique ne prend pas une journée. Marche nordique, vous pouvez venir faire une séance. La séance en elle-même dure, on va dire, une heure. Avec les échauffements et les étirements, on va dire une heure et demie. Et ça, l'actif peut se permettre de venir une matinée par semaine, voire deux, voire trois, en marche nordique. Et on propose des créneaux hors heure d'activité. Hein, voilà, le samedi, le dimanche ou le soir, en ce moment, c'est un peu loupé, mais bon. Bon, pour les clubs, pour parler du club d'Épinal, après tu pourras nous dire deux, trois mots, peut-être Robert, sur Remiremont. Mais nous, on a presque de la marche nordique tous les jours. Lundi matin, mardi soir, mercredi matin, vendredi matin, samedi, dimanche matin. Et donc, pour vous expliquer en gros ce que c'est par rapport à la randonnée, donc ça vous prend une journée. Marche nordique, c'est vous travaillez, enfin vous, c'est de la marche rapide à l'aide de bâtons. Et ces bâtons-là vous aident donc à vous propulser vers l'avant. Ça c'est le côté technique. Mais en ce qui concerne les bienfaits, c'est une activité d'endurance. Donc forcément, vous travaillez votre cœur. Vous développez votre capacité respiratoire. Vous, par rapport au trail, vous soulagez vos articulations. C'est moins traumatisant pour les articulations. Enfin, ça vous tonifie. Voilà, ça vous apporte du tonus. La marche, la randonnée vous entretient. La marche nordique vous tonifie. Et à côté de ça, vous prenez un bol d'oxygène. Donc, et forcément, vous évacuez votre stress. Et c'est vous partager un bon moment de convivialité. Enfin, voilà. Donc, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. On a besoin de jeunes. Commencez par la marche nordique. Et puis, peut-être qu'après, si vous avez le temps, vous randonnerez. Et puis, vous donnerez un coup de main sur le sentier. D'ailleurs, justement, tu as tellement bien vendu la marche nordique et le club vosgien que je suis sûre que des auditeurs ont peut-être envie de savoir comment adhérer au club vosgien. Alors, c'est très simple, il faut s'adresser à sa structure locale, donc soit par Internet. Donc, on a dit, vous tapez clubvosgienremiremont.com ou clubvosgienletillot.com ou épinal.com. Enfin, il y en a 21 dans le département. L'adhésion, c'est entre 15 et 25 euros, ça dépend des structures. 15-25 euros à l'année. Et alors, vous pouvez randonner tout au long de l'année. Vous pouvez donc faire de la marche nordique, du cyclotourisme, du VTT. Il y a du ski de fond aussi organisé. Enfin, il y a plein de d'activités pour 25 euros au plus cher à l'année. Alors Lou, je t'attends à lundi matin en marche nordique. 10 heures à Épinal, parking du Chevreuil. Ah, c'est sûr que l'appel est lancé. 9h30. Si on n'a pas envie de faire autant de routes et qu'on veut aller à Remiremont, est-ce que Remiremont propose aussi de la marche nordique ? Même, on en proposait un petit peu, mais on est un petit peu en sommeil actuellement au niveau de la marche nordique. Mais c'est vrai qu'elle avait raison dans la mesure où c'est une activité qui nous permettrait de rajeunir nos troupes. C'est évident. Il faut également que les structures soient capables d'apporter des horaires qui permettent aux personnes en activité de venir faire de la marche nordique. Donc c'est aussi de la part des associations essayer d'ouvrir les créneaux horaires de façon à ce que les samedis matin, les samedis après-midi, les dimanches, on ait des activités qui permettent justement aux gens salariés de venir participer à nos activités. Là, c'est quand même un rôle important de nos associations pour essayer de rajeunir nos troupes, parce que c'est vrai qu'on a comme vous le disiez tout à l'heure, hein, essentiellement des jeunes retraités, ceux qui viennent marcher. J'étais tout à l'heure dans une sortie du jeudi après-midi, on était une quarantaine, c'est des gens qui ne travaillent pas. J'étais hier à une sortie du mercredi après-midi, on était 25, c'est des gens qui ne travaillent pas parce que c'est en semaine. Donc il faut aussi que les associations s'adaptent de façon à ce que les jeunes soient accueillis dans les meilleures conditions pour pouvoir pratiquer leur sport favori. Oui, mais on a aussi des personnes à horaires aménagés, par exemple dans le milieu hospitalier ou dans l'enseignement, ou voilà, il y en a qui arrivent à se libérer quelques heures dans la journée. Hein, c'est pas, voilà, quand on parle d'actifs, il y en a quand même qui arrivent à se libérer. Bon, c'est pas la majorité. Parce que même à la radio, j'imagine que tu travailles pas toute la journée. Non, mais je suis chez moi à 20h. Ah, et les matins ? Ah, les matins, je suis chez moi et je fais du sport la majeure partie du temps. Mais écoute, viens en faire en convivialité avec nous. Donc je disais, au niveau de la marche nordique, il faut aussi voir que dans notre secteur de Remiremont, on a aussi des associations dans les environs qui font énormément de marches nordiques. C'est pas des clubs vosgiens, mais il faut tout pour faire un monde. Mais il y a une association à Saint-Nabor qui fait énormément de marches nordiques, ça marche très bien, et c'est peut-être aussi pour ça que chez nous on n'arrive pas trop à développer cette activité. Mais bon, c'est pas non plus notre fond de commerce. On a tellement d'autres activités. Je pense qu'un jour on y reviendra à la marche nordique, tout doucement. Il faudra reprendre un petit peu les cordes de l'opération et on y reviendra à la marche nordique parce que c'est qu'une activité forte de notre fédération Club Vosgien aussi. Oui, j'ai récupéré une dame quand même de Saint-Nabor à Épinal. Séances lui conviennent mieux à Épinal qu'à Saint-Nabor. Ouais. Certainement j'en récupérerai d'autres quand ils vont voir ce que je fais à Épinal. Et donc, pour vous dire aussi que la Fédération du Club Vosgien a fait énormément d'efforts sur la formation à la fois des animateurs, des formateurs, animateurs, marche nordique, mais également des guides de randonnée pour la randonnée et la promenade. Donc, de nombreux guides maintenant sont formés, des formations lourdes qui permettent d'encadrer dans les meilleures conditions nos groupes toute la semaine. Et ça, c'est important. Moi, je voudrais rajouter, la marche nordique à Épinal, on a 6 séances par semaine. 50 semaines. Ça fait 300 séances par an pour une cotisation de 25 euros. Il y a certaines structures dans le département qui proposent des prestations à 10 euros la séance. Ils n'en font pas plus que moi et Pascal, qui est coach marche nordique, ils n'en font pas plus que nous. Faut pas se leurrer. Nous, on propose 300 sorties pour 25 euros. Oui, hein, voilà, tout rapport, est dit. Hein. Voilà, après, voilà, le Club Vosgien, on n'est pas prestataire de service. Hein. On est dans le bénévolat à fond. Bon, après, je critique pas les gens qui gagnent leur vie en faisant de l'accompagnement en montagne ou en faisant de la marche nordique. Bon, c'est leur métier. Ils ont un diplôme d'État. C'est normal. Il faut bien qu'ils mangent, comme on dit. Mais là, c'est vraiment accessible à tous. Pour 25 euros, tous les revenus. Vous rendez compte qu'à Épinal, on a plus de 620 sorties dans l'année pour 25 euros. Tout confondu, randonnée, marche, j'en passe des meilleurs. Et d'autres clubs dans les Vosges aussi, on la propose. Oui, parce que c'est ce qui rassemble aussi le club vosgien. Ouais. C'est nous, proposer plein d'activités. On est dans le bénévolat. On est 100% bénévole. Moi, je suis 24 heures sur 24 bénévole. Hein. Robert aussi, Pascal, les autres présidents des autres clubs aussi. Hein, Mais c'est avec des gens comme vous qui donnent de leur temps pour partager la passion de la montagne, de la nature et du sport que le club vosgien est pérenne, hein, qu'il continue d'accueillir plein de personnes. Comme on l'a dit tout à l'heure, venez les jeunes, hein, y a des activités pour tout le monde, c'est important. On a des trentenaires qui viennent, hein, faut pas croire. Hein. Ah ben oui, on a des trentenaires, on en a, oui, des quadras, si, on a. Et des jeunes qui ont la vingtaine? Ah oui, si, on a une petite Lisa. Tiens, une petite Lisa qui vient en marche nordique. C'est une trentenaire. Ah, 30 ans, mais il ne les fait pas. En tout cas, comme on le disait, hein, le Club Vosgien propose énormément de choses, continue d'en proposer à plein de projets et toujours encadré très sérieusement, hein, faut pas l'oublier. Et c'est sur cette note-là qu'on va malheureusement déjà devoir s'arrêter avant de devoir se dire au revoir. Ça va déjà aussi être l'heure de faire la programmation de la soirée avant la conclusion pour de bon. Et on retrouvera alors jeudi dès 20h des bas, des hauts. D'ailleurs, le sujet de l'émission de ce soir, c'est l'avenir de l'humanité. Donc soyez présents pour savoir ce qu'on racontera tout à l'heure avec Gaël, Julien D, Julien F et JP et moi aussi, bien entendu. Puis toujours jeudi soir, 23h, rock à la Casbah et musique jusqu'à demain matin, 7h-8h, où vous aurez l'occasion d'écouter la rediffusion de ce que vous avez écouté à l'instant. Si vous n'avez pas la patience d'attendre demain matin, elle sera en podcast courant de la soirée sur notre page Facebook Radio Guémozo ou sur notre site internet radioguémozo.eu, rubrique émission et rediffusion, puis l'heure des loups. Dans tous les cas, au moins sur internet, sur notre site internet, les pages internet du club vosgien seront identifiées, comme ça les auditeurs, vous pourrez retrouver aisément les différents clubs vosgiens. Puis demain, ce sera vendredi. Dès 8h après la rediffusion de l'émission, ce sera la chronique Les Secrets de Mathilde. Puis 8h30, la matinale de Marion qui vous racontera le programme de la journée de demain. Et demain soir, comme c'est vendredi, qui dit vendredi, dit billets de sortie. Comme d'habitude, j'annoncerai les sorties, les événements qu'il y aura dans le secteur ce week-end et un petit peu la semaine prochaine. Mais bon, pour ça, je vous donne rendez-vous demain soir. En tout cas, Robert, Jean-Marie et Pascal, j'étais très très contente de faire cette émission avec vous. Vous m'avez donné en tout cas envie de me joindre au club vosgien. J'espère de tout cœur que votre message a su atteindre les auditeurs. Merci, et puis on t'attend sur un sentier. Dans tous les cas, à lundi. Oui. Et je souhaite aussi une très belle soirée aux auditeurs. Enfin, on se retrouvera à l'antenne dans une heure, mais dans tous les cas, rendez-vous demain, 18h sur le 107. Bonne soirée à tous.